dirait que ça baisse la vite. Un Clio 3 au rond-point David. Où sont en France, s'en fout de ta vie, s'en fout de ta femme et de ta gari. Le coup sur la fenêtre, tu t'inquiètes dans la chaussette. Je rouge sous les lunettes, allume le pet à l'allumette. Tu t'en fous, t'as fait des méchés et tout. T'as branché une mine, tu t'es fait nexter. Il te faut une moto pour que t'ailles chez tout. Ou tu vas demander au poteau de te jeter. Ça vaut un beau boule, dirait que ça baisse la vitre. Clio 3 au rond-point David. Le soir en France, on s'en fout de ta vie, s'en fout de ta femme et de ta gari. Le coup sur la fenêtre, tu te plaquettes dans la chaussette. Je rouge sous les lunettes, allume le pet à l'allumette. Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Ouais, ouais, ouais, ouais, pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Ouais, ouais, ouais, ouais, pourquoi tu fais le Bruce Lee? Les capules et les cassos, j'esquive les groupies, les crasseuses. Le 13 c'est chaud, rien qui peut du bastos. Ça cherche des doubeurs et des passeuses. Ça prend les petites rues chargées dans la caisse. Ça détaille des kilos dans la pièce. Ça s'échappe quand y'a les flics dans la tête. Sans plaque, sans phare, ouais, sur la GS. Ça vole des motos, des crosses, des quads. Sur le temtem, ouais, ça veut les poignes. Ça veut la Rolex, la Audemars au poignet. Hijo de la caille, veut faire de la maille. Ça met en rouge des gens, ça fait tour pour rien. Ça boucan avec des gens pour rire. Toi-même tu sais, gros, y'a rien sans rien. Réussir ou souffrir, se fait de l'avant, se fait avancer. Après celui qui a avancé, se fait devancer. Si t'es dans la lune, dis-moi à quoi tu pensais. Et je verrai dans tes yeux si c'était un mensonge. Là je fais l'album ou je me vends en concert. Et celui-là, je le fais trader qui sort. Je serai en Didi vers la canne bière. Pendant qu'ils diront que Dooley dort. Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Ouais, ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu fais le Bruce Lee, hein? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Pourquoi tu fais le Bruce Lee? Ouais, ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu fais le Bruce Lee?